Dimanche 9 septembre, midi. Bébert, le truand au grand cœur. Ce matin je suis vraiment motivé. Ça s'est si bien passé hier après-midi. Patrick me prévient encore, il faut que je sois accepté par les autres. C'est ici la meilleure des protections, quand on n'est pas soi-même un grand costaud. Je m'étonne tout de même que Patrick lui ne descende pas. Il me dit qu'il n'a pas envie actuellement, et qu'il préfère le calme de la cellule. Grand bien lui fasse. Quant à moi, j'ai envie de marcher ce matin, envie de profiter du soleil, envie aussi de revoir Momo Lakeyol, mon nouveau copain de promenade. J'ai failli pourtant rater le passage du gardien. Il est venu nous ouvrir plus tôt. Il est à peine 8 heures, même pas. Je n'ai pas eu le temps de mettre mes sandales. Je sors en tongs, à la va-vite, pour marcher ce n'est pas l'idéal. Qu'à cela ne tienne, j'en profiterai pour faire du relationnel. Malgré leur tête rasée, ils ne m'ont pas l'air si méchants que ça. Dans la cour, je m'aperçois que Tony est déjà là. C'est lui qui m'a dénoncé et traité de pointeur. Je feins de l'ignorer et j'évite son regard. La stratégie de l'évitement me paraît la plus pertinente, même si j'ai bien conscience que dans cette petite cour, fatalement, à un moment ou un autre, on sera bien obligé de se croiser. Par contre, Momo Lakeyol n'est pas descendu. Je suis un peu déçu. Les détenus qui fréquentent la cour le matin ne sont pas forcément ceux de l'après-midi. Ils sont moins nombreux en tout cas. Assise à l'une des tables, je fais la connaissance de Bébert. Patrick m'a parlé de lui. Un vieux de mon âge. Ses cheveux qu'il a dû raser il n'y a pas longtemps ont repoussé suffisamment pour laisser paraître leur blancheur. Bébert, pourtant svelte et vif, est en comparaison du reste des détenus, un vieillard chenu. Que dire alors de moi? Il joue au mot fléché et a posé ostensiblement à côté de lui un livre en japonais, ou plutôt un livre de japonais, un bouquin de poche intitulé « Le japonais en 40 leçons ». Je m'assois en face de lui. Je le regarde. Avec ses petites lunettes, c'est vrai qu'il fait très intellectuel. Cela ne m'impressionne guère. Comment peut-on apprendre le japonais en 40 leçons, me dis-je à moi-même. Tu es le bonjour de Patrick. De qui ça, me répond-il, de Patrick. Il semble ne plus se souvenir qui est Patrick. Plus tard, ça lui reviendra en mémoire. Son accent marseillais très prononcé finit par me convaincre que Bébert n'est peut-être pas si intellectuel que ça. Pourtant, il porte cet accent de façon fort respectable. Ce n'est pas ce nouvel accent dévergondé, celui qui traîne dans les cités. Ce Marseillais plein d'immigrés, qui parle ici le 1-3, comme ailleurs l'argot du 9-3, a remplacé la gouaille des titis parisiens. Non, Bébert lui cause le Marseillais traditionnel, celui qui fleure bon le pastis et l'aïoli. Bébert lui, il vernacule le Marseillais pagnolesque. J'ai besoin de me compagnie et de distraction. Alors je m'intéresse à ces mots fléchés. Il me fait volontiers partager la grille sur laquelle il planche. Nous me croiserons ensemble une grande partie de la matinée. Il est sacrément fort le bougre. Quant au japonais, je doute qu'il en soit au même niveau. De temps en temps, un promeneur plus jeune s'arrête et nous regarde faire. La plupart, je le devine, savent à peine lire et écrire. Beaucoup d'entre eux sont étrangers, et s'ils savent lire et écrire, ce n'est pas en français. Ils ne restent donc pas et continuent leur ronde. C'est dommage. Seulement un seul viendra s'asseoir avec nous. Il se prénomme Damien. Il doit avoir 20 ans et quelques, mais pas grand-chose de plus. Le discours de Bébert change alors du tout au tout. Il se met à hausser le ton. Il prend une posture plus altière et déterminée. Je découvre que Bébert est un truand marseillais, d'une famille sicilienne, détenu là pour d'obscures raisons, dont il saura se laver. Il parle d'armes à feu qu'il aurait planquées, de vengeance qu'il ourdit contre ceux qui l'ont dénoncé, de kidnapping et de corps découpés, qu'on ne retrouvera jamais. Damien l'écoute comme un enfant, à qui on raconte l'histoire de Pierre et le loup. Bébert est captivant. Il a trouvé son public. C'est vrai qu'il dit tout ça si justement. Avec des mots et un accent, le même accent marseillais qu'auparavant, mais qui cette fois, lui donne une toute autre allure qui force le respect. Il a la classe de ceux qui sont fichés au grand banditisme. Si bien que je suis alors, presque porté à vouloir tout croire. Ainsi je me trouve au beau milieu dans une cour de prison, la cour des grands, en compagnie de Bébert le truand marseillais, d'origine sicilienne qui plus est, et qui joue aux mots fléchés avec moi. Bébert, un truand, qui, raffinement subtil, parle, ou, pour le moins, apprend le japonais. Chapeau l'artiste. Et il insiste bien sur ses origines siciliennes, et même qu'il en rajoute, comme s'il désirait nous montrer ses lettres de noblesse, comme s'il voulait nous apporter la preuve de son pédigré mafieux, de son engeance criminelle. Me voilà en bonne compagnie. Il accompagne son discours de gestes rageurs et décidés. À ce moment-là, une mouche qui vient malencontreusement se poser sur son livre, subit sa foudre. D'un tour de main, précis et vif, il la saisit, tourne le poing vers le ciel, comme s'il voulait se venger du bon Dieu, et puis il libère la pauvre bête en lui laissant la vie sauve. Damien est sidéré, je suis ébloui. Bébert est un personnage. Un truand au grand cœur qui relâche les mouches sans les exécuter. J'espère pouvoir jouer avec lui très souvent au mot fléché. C'est vrai qu'il est sacrément fort, le bougre.